Chapitre 40e. Le lendemain matin, vers 5 heures, au moment où le soleil levant empourprait l'Orient, une sonnerie de trompe ébranla les vitres du château dans la partie habitée au rez-de-chaussée par le marquis et au premier étage par l'institutrice et Denise. Aussitôt, les chiens de leur chenil répondirent à cet appel par des aboiements joyeux donnant de la voix à pleine gorge. Instantanément, ce fut un tapage à réveiller des morts. Clémence sauta à bas de son lit, écartant le coin d'un rideau, elle regarda pour voir si l'on partait en chasse. Au milieu de l'esplanade, vis-à-vis ses fenêtres, elle aperçut le seul monsieur de Carquebus qui sonnait de la trompe. Coiffé d'une casquette de velours en forme de melon, chaussé de bottes molles, ganté de grands frais, il tenait à deux mains son instrument. Et les yeux tournés vers la chambre de sa petite déesse, il soufflait de toutes ses forces dans sa trompe, en se balançant doucement d'avant en arrière et d'arrière en avant. Il était si drôle dans cette attitude, et les hurlements des chiens qui lui répondaient étaient si bizarres, qu'elle fut prise d'un fou rire. Sous sa main tremblante, le rideau s'agita. Alors, M. de Carquebus, voyant qu'elle le regardait, s'arrêta de sonner, et tenant sa trompe d'une main, de l'autre prenant son melon, il lui fit un grand salut. Puis, s'étant gravement recoiffé, il entonna une fanfare de triomphe. Au déjeuner, il ne fut question naturellement que de cette sonnerie. « Quel temps vous a donc piqué de si bonne heure, mon cousin ?» demanda le marquis. « Je ne pouvais pas dormir, » répliqua M. de Carquebus en lançant une œillade victorieuse à Clémence. « Les autres n'étaient peut-être pas comme vous. Est-ce que je n'ai pas le droit de sonner de la trompe quand il me plaît ?»« Oh, parfaitement le droit. Seulement, je voudrais bien aussi avoir le droit de dormir quand il me plaît. »« C'est bien. Je vous demanderai votre heure quand je voudrais donner une sérénade à ces dames. »« Ah !» dit le marquis en pouffant de rire. « C'était une sérénade à 5 heures du matin au soleil levant. Eh oui, c'en était une, et je ne vois pas ce qu'il y a de risible là-dedans. » Disant cela, il se tourna vers Clémence, puis vers sa sœur, puis vers Denise, pour qu'elles puissent au besoin porter témoignage contre le marquis. Était-il assez ridicule, ce pauvre Arthur, qui ne savait pas ce que c'était qu'une sérénade? Et il avait eu des maîtresses? Quelle pitié! Il allait le secouer d'importance, le gouailler, l'humilier, mais déjà l'accès de gaieté du marquis était passé, et celui-ci était retombé dans cette mélancolie vague qui depuis quelque temps l'absorbait souvent. À quoi tenait cette mélancolie? C'était ce que chacun se demandait à Rudemont. Naturellement, c'était là un intéressant sujet de conversation pour Madame Mérot et M. de Carquebus. « Je crois que votre marquis file un mauvais coton, » disait M. de Carquebus en se frottant le menton. « Il mange bien, il digère bien, bon appétit, bon estomac. » Et avec cela, la gaieté d'un croque-mort. Ça n'est pas naturel. Il doit avoir quelque maladie intérieure. On disait le bel Arthur, on l'admirait parce qu'il était grand, parce qu'il était fort, et le voilà en train de s'en aller. Hé hé. Madame Mérot n'était pas douée de cette douce philosophie. Elle avait pour le marquis une véritable affection. D'ailleurs, elle n'avait pas hâte, comme son frère, d'entrer en possession de l'héritage d'Arthur. Elle avait du temps devant elle, sinon par elle-même, tout au moins par son fils. C'était l'affaire de la Providence d'arranger la mort du marquis. Elle se fût fait un crime de se fixer elle-même une date précise. Cette mort arriverait un jour ou l'autre, cela lui suffisait. Cette patiente résignation exaspérait M. de Carquebus, qui ne se gênait pas pour dire à sa sœur qu'elle n'était qu'une hypocrite. « Je devine pourquoi tu n'es pas pressée. Tu espères que le marquis aura le temps, avant de s'en aller, d'arranger un mariage entre ton Nico de fils et cette fille de comédienne. Nous verrons ça. » « Compte qu'il a du plomb dans l'aile. » Si l'institutrice n'avait pas de confidente à qui parler de la mélancolie du marquis, elle s'en parlait à elle-même, et à vrai dire, c'était son unique sujet de préoccupation. Mais elle ne faisait pas fausse route, comme Madame Mérot et M. de Carquebus, sur les causes du changement qui s'était manifesté dans l'humeur et dans les habitudes du marquis. S'il était malade, c'était d'une maladie qui ne conduit pas à la mort. Il l'aimait. De cet amour, elle avait maintenant 50 preuves, toutes plus fortes les unes que les autres. C'était parce qu'il l'aimait qu'il avait brusquement interrompu les promenades à cheval, ne voulant pas s'exposer à se trouver en tête à tête avec elle. C'était parce qu'il l'aimait qu'il attachait sur elle, à la dérobée, des yeux alanguis et émus. C'était parce qu'il l'aimait qu'il évitait de lui adresser la parole, ne lui disant que ce qui était strictement nécessaire à leur relation. C'était parce qu'il l'aimait qu'il ne restait plus le soir au salon et qu'il allait s'enfermer dans la bibliothèque. Il ne travaillait point dans cette bibliothèque, mais, assis dans un fauteuil devant une fenêtre ouverte, il passait son temps à fumer des cigares qui se succédaient sans interruption. Plusieurs fois, elle était descendue le soir, et faisant un détour, elle avait traversé l'esplanade au loin. Toujours, elle avait vu ce cigare allumé qui, dans l'ombre, brillait faiblement, comme le feu d'un verre luisant. Autant il avait été affable et gracieux pour elle pendant plusieurs mois, empressé, attentif, manifestement heureux de l'associer à tout ce qu'il disait comme à tout ce qu'il faisait, autant maintenant il se montrait réservé, froid, contraint, désireux de la tenir à distance. C'étaient là des changements significatifs pour elle, et qui n'avaient pas besoin, pour être compris, de la lettre explicative que le capitaine lui avait écrite en remerciant sa chatte chérie du bon coup de filet qu'elle avait ménagé à son vieux cap. Il l'aimait profondément. Une femme ne pouvait pas se tromper à ce sujet. Mais alors, pourquoi se taisait-il? La réponse à cette question n'était pas bien difficile pour qui connaissait le passé du marquis et s'était donné la peine d'étudier son caractère dans le présent. Le marquis s'était retiré à Rudemont, fatigué par 20 années d'une existence troublée par de nombreuses passions dans lesquelles il s'était successivement donné tout entier avec cet emportement fiévreux qui était l'essence même de sa nature. Emma la Jolée n'avait point été la seule femme qu'il eût aimée. Bien d'autres, avant celle-là, l'avaient attachée et retenue, et avec toutes, il ne s'était pas contenté de se laisser aimer, il avait aimé lui-même. Pour lui, le bonheur avait été dans l'émotion qu'il donnait, bien plus que dans celle qu'il recevait lui-même. À poursuivre un pareil but, à vouloir rendre les autres heureux avant de chercher à l'être soi-même, on s'use vite. C'était ce qui était arrivé au bel Arthur, sans parler des déceptions et des chagrins qu'il avait eu la faiblesse de prendre à cœur toutes les fois qu'il s'était vu trompé. Quand il était venu à Rudemont, ça avait été pour entreprendre une cure, comme on dit dans le langage médical, et se guérir radicalement de l'amour et de la passion. 20 fois, Clémence avait entendu expliquer cette étape pathologique du marquis par Madame Hérault, qui se complaisait dans ses récits. « C'est admirable comme Arthur s'est guéri vite, » disait-elle. « Mais aussi, il faut remarquer que pour moi, je n'ai rien négligé, rien épargné, afin de lui faire aimer la vie de famille. Il a reconnu combien étaient vaines et trompeuses ces agitations de la passion, et il est revenu de ce pays maudit pour n'y retourner jamais. Cela est si vrai qu'il n'a jamais pensé à se marier. Il s'est trouvé si bien blasé qu'il n'a même pas voulu du mariage. Si blasé, si bien guéri qu'il eût été pendant 10 ans, il n'était pas mort cependant à la passion. Après 10 années, le feu qui dormait sous la cendre s'était réveillé. Et c'était elle qui avait eu l'honneur de provoquer ce réveil. Elle avait paru et elle avait vaincu. S'il persistait dans son silence, c'était donc tout simplement par peur de la passion et parce qu'il ne voulait pas s'abandonner à un amour qui pouvait le rejeter sur la mer orageuse où pendant 20 années il avait été ballotté. Là, réellement, là seulement, se trouvait l'explication de la conduite du marquis. Il l'aimait. Qu'adviendrait-il de cet amour? Se maintiendrait-il dans les barrages au milieu desquels, jusqu'à ce jour, il avait su le diriger? Ou bien, devenu torrent irrésistible, ne franchirait-il pas, n'emporterait-il pas ces obstacles accumulés par la peur? L'expérience, pour elle, était curieuse à tenter et à suivre. Mais, pendant qu'elle attendrait, se réservant d'intervenir au besoin, l'amour ne grandirait-il pas dans le cœur de Denise et de Louis? Leur mariage ne pourrait-il pas être arrêté par le marquis? Il ne fallait pas laisser cet amour grandir. Il ne fallait pas laisser décider ce mariage. Il ne fallait pas attendre.